Qui t'as trouvé? Garde. T'as-tu trouvé? Oui? Ah non, je vois absolument pas comment. Flavie, t'as-tu trouvé? Chris, fie-toi pas à ce que je réponde tout de suite, c'est impossible, il y a 10 secondes de latence ici. Chris, je sais pas quoi faire. Hey, je suis sur le chat. Ah, il le met. Hein, qu'est-ce que ça dit? J'entends trop rien. J'entends trop rien. Là, tu m'entends-tu? J'entends trop rien. Ouais, je sais, là, mais... Justement, mais ça sert à ça qu'il n'y a pas de latency, ça veut dire qu'il faut l'ajuster quelque part. Là. C'est sûr qu'on peut l'ajuster quelque part, c'est ça que ça sert à l'ajuster. Là. Ouais, mais il n'y a rien de tel. Non, check, tu peux agrandir la fenêtre.